Bien, bonsoir. Cette 135e conférence de Daniel ce soir, conférence de vendredi. Le personnel du centre vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Bolduc. Et rappelez-vous tous que soit durant la pause ou après la soirée, vous pouvez obtenir à l'achat du billet de la semaine prochaine, la conférence, c'est le phénomène de l'ennui. Vous obtiendrez une cassette gratuite et cette cassette gratuite, c'est cette conférence, cette première partie de conférence de ce soir. Profitez-en pour réentendre cette conférence, pour vous familiariser, pour ceux qui ne connaissent pas le langage de Daniel, et aussi pour découvrir ou redécouvrir les mots qu'il invente, pour mieux se faire passer son message. Aussi, je vous rappelle que le dernier séminaire PMC de cette année aura lieu cette fin de semaine-ci. C'est votre dernière chance d'inscription. Vous pouvez rencontrer Mario à cet effet au comptoir, tout près du comptoir de cassette. Ce soir, dépasser les limites du besoin. Dans son exposé, Daniel va-t-il nous révéler si lui aussi, il a des besoins? Sans plus tarder, Daniel Kemp. Donc, ça commence, oui, une question presque cochonne, ton affaire. Je vais te laisser le temps de glisser ça dans la conférence incognito. T'avertis si tu ne fais pas ton verre de bord. Ça commence bien. Bon, est-ce que j'ai des besoins? Non. Bien sûr. Comment pourrait-on définir ce que veut dire un besoin, d'abord? Bon, premièrement, ce soir, ce qui va être intéressant, surtout en ce qui me concerne, c'est que je vais apprendre. D'ailleurs, j'apprends souvent quand je parle. Je suis une des rares personnes qui me trouve intéressant. Et puis, d'ailleurs, ce que je fais lorsque j'apprends en parlant, c'est quelque chose que vous devriez tous arriver à pouvoir faire. La majorité des individus se rendent compte que la solution à certains de leurs problèmes arrive lorsqu'ils discutent, lorsqu'ils dialoguent avec quelqu'un. Mais ce n'est pas dans le dialogue comme tel, c'est dans le monologue. C'est-à-dire que c'est dans le fait que vous avez une raison de parler qu'à un moment donné, vous allez arriver à parler la solution de votre problème et là, vous aurez trouvé la solution au problème. C'est donc dans le phénomène de la parole plutôt que dans le phénomène du dialogue. Moi, j'ai l'avantage d'être capable de me considérer suffisamment fou ou suffisamment intelligent pour pouvoir parler tout seul. Donc, je n'ai pas besoin de dialogue pour arriver à parler les solutions à des problèmes que je pourrais avoir ou à des choses qui devraient être faites. À un moment donné, lorsque l'être humain arrive à être suffisamment égoïsé, lorsqu'il a un peu moins d'orgueil, alors il arrive à supporter le fait de parler tout seul, de parler pour arriver à savoir. Qu'est-ce que le besoin? Le besoin, c'est un état, une condition, une nécessité. Donc, c'est une condition normalement essentielle à la survie de quelque chose. Un automobile a des besoins. Ses besoins vont être de l'huile, de l'essence. Ça va être différentes pièces pour remplacer les pièces qui vont s'user. Et normalement, pour pouvoir être totalement fonctionnel, l'automobile a besoin d'un chauffeur. Lorsque l'automobile décide de choisir le chauffeur, cela devient un besoin qui n'est pas réel. Et c'est surtout de ces besoins que l'automobile devra apprendre à se passer. L'automobile parfaite accepte n'importe quel chauffeur. Lorsque l'automobile commence à vouloir décider si tel sexe, tel âge, telle grandeur, telle race, alors automatiquement l'automobile n'est plus parfaite. Elle a l'air par contre plus intelligente. En réalité, elle est intellectuante, elle est émotive, elle désire et automatiquement elle apprendra à souffrir parce que lorsqu'un jour un chauffeur qui n'est pas désiré par l'automobile viendra prendre place à bord, l'automobile aura des problèmes émotifs, elle souffrira. Si l'automobile va poursuivre son évolution à travers les choix, non pas se contenter d'être ce qu'elle est, mais de faire des choix, de choisir quel type d'essence, dans quel genre de garage, quel genre de pneus, quelle vitesse rouler, sur quel genre d'asphalte. Elle dédaignera les chemins de terre trop poussiéreux. Si à un moment donné, l'automobiliste et la vie, les conditions de réparation routière, la pluie, la neige, les pénuries d'essence, les stations-service sur le chemin font que tous ses désirs ne sont pas toujours assouvis, l'automobile sera malheureuse tout le temps de sa vie d'automobile. Alors évidemment, l'automobile pourra vouloir améliorer les conditions, faire en sorte qu'il y ait plus de stations-service de son type de pétrole, faire en sorte qu'il y ait plus d'asphalte répandu un peu partout, faire en sorte qu'à un moment donné, la planète Terre ressemble à une espèce de grosse vidange, tout à fait adaptée à l'automobile, mais inadaptée au reste de tout ce qui existe à l'échelle de la planète. Alors, l'automobile souffre de plus en plus. Parce qu'elle va tuer les producteurs d'essence. Elle va tuer ceux qui vont lui fournir le travail pour faire les chemins. Elle va tuer tout ce qui, en fin de compte, la constitue. Alors l'automobile, de plus en plus, meurt, de plus en plus souffre. Et un jour, elle envisage même la possibilité que ses besoins, que ses choix, que ses désirs l'entraînent à un moment donné vers une fin du monde où il n'y aura plus ni de fabricants d'automobiles, ni de conducteurs d'automobiles, ni de lieu où aller en automobile, et ni de pièces pour remplacer ce qui va un jour lui manquer. Telle est la vie de l'automobile. C'est évidemment très proche de la vie de l'humain. Alors, il y a des besoins. Qu'est-ce qu'un besoin? Le besoin est une condition essentielle à la survie. Besoin de l'alimentation. Un jour va naître le besoin du choix dans l'alimentation. Ça pourra être un problème. Besoin du vêtement. Un jour va naître le besoin du choix dans le vêtement. Ça peut être un problème. Besoin de l'habitation. Un jour va naître le choix dans le besoin de l'habitation. Ça peut être un problème. Besoin de le créer, de s'exprimer. Besoin, autrement dit, de prouver, de se prouver que nous sommes là. Et à travers cela, il y aura des choix aussi dans le besoin de s'exprimer. Des conditions où on aimera plus s'exprimer, d'autres où on va se refouler. Et là encore, il y a des risques de problèmes. Et évidemment, il y a toujours le besoin essentiel à l'humain, comme à n'importe quelle race. La procréation. Et lorsque les parents veulent choisir dans le sexe, dans la couleur des cheveux, dans la couleur des yeux, on met encore un choix dans le besoin et on risque encore une fois de retrouver des problèmes. Il y a le besoin fondamental chez l'homme, vu qu'il a le besoin de s'exprimer, il a le besoin d'être quelque chose, quelque part, à un moment donné. À travers cela, l'être humain va encore une fois choisir ce qu'il voudra être, quand et où. D'où, encore une fois, risque de problème. Alors, il y a les besoins fondamentaux qui sont nécessaires à la survie. En cas de guerre, quels seraient vos besoins? À quoi pourriez-vous limiter vos besoins sans vous suicider? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser parce que là, autrement que par la théorie, on peut arriver à se définir soi-même quels sont nos réels besoins. Pourriez-vous vous passer de vidéo? Tout le monde va rire, mais certains vont avoir de la difficulté. Pourriez-vous vous passer de musique, de Walkman, tout ça? Pourriez-vous un jour vous passer de cigarettes? Ou si vous seriez obligé de rouler du papier de toilette avec du foin pour le fumer? Pourriez-vous vous passer de toutes les choses que nous avons? Si oui, toutes ces choses sont des besoins facultatifs qui sont créés apparemment pour aider l'homme, pour aider la femme, pour aider l'enfant, mais qui plus souvent qu'autrement nuisent. Donc, il y a un moyen, premièrement, d'arriver à dépasser les limites imposées par le besoin. Il y a des moyens. On va les voir un peu ce soir. Mais, pour comprendre quelles sont les limites à dépasser, il faut premièrement que l'humain, que l'homme arrive à se supporter lui-même. Donc, que l'homme arrive à supporter le fait qu'effectivement, de prime abord, il y a certains besoins qui sont des utilités fondamentales, besoins qui ne devraient jamais être importants, mais bien utiles. Il y a un axiome du PMC qui stipule qu'il n'y a rien d'important, mais qu'il n'y a que des choses utiles. Est-ce que c'est important de manger? Ou bien si c'est utile de manger? Si c'est utile de manger, cela prouve que l'homme est intelligent. comprenant l'utilité mécanique de la nourriture, de la digestion. Il mangera. C'est important pour l'homme de manger, il risquera de souffrir, parce que son importance vient du fait qu'il se sécurise par l'apport de nourriture. N'en comprenant pas l'intelligence mécanique, il en comprend par contre la nécessité gustative psychologique. Alors pour lui, la nourriture deviendra importante. C'est important de manger. Pourquoi? Ben parce que ça nous nourrit, parce que ça nous permet de vivre. As-tu peur de mourir? Chaque fois que vous vous apportez de l'importance à quelque chose, analysez, vous verrez qu'en fin de compte, vous vous foutez royalement de la chose, mais bien plus, vous portez de l'attention, de vous mettez de l'énergie dans la sécurité que la chose vous amène. Et ça va automatiquement développer un besoin qui va vous limiter. Un automobile, est-ce utile ou important? C'est utile. Si l'automobile devient importante, vous serez nerveux. Vous aurez peur de vous la faire voler. Vous aurez peur de la faire poquer. Vous ne pourrez pas la prêter à quelqu'un parce qu'elle a de l'importance pour vous. Donc, elle vous sécurise. Vous ne voulez pas qu'on l'abîme, qu'on la touche, qu'on la salisse. Si elle est utile, ça devient un outil. Si c'est un outil, c'est que vous êtes intelligent. Regardez tout ce que vous avez dans votre vie et vérifiez si c'est utile ou si c'est important. Si c'est utile, c'est un outil. Jamais cela ne va vous limiter. Si vous dites « Oui, mais si je n'ai pas l'outil, je suis limité. » D'accord. Mais remarquez une chose, c'est que celui qui attache de l'importance dans l'outil, s'il ne l'a pas, il est aussi limité. Tandis que s'il a l'outil qui attache de l'importance, il est encore limité. Tandis que celui qui voit de l'utilité dans un outil, s'il ne l'a pas, il est limité. S'il l'a, il est libéré. Vous êtes menuisier, vous travaillez sur un chantier de construction, vous avez un marteau extraordinaire que vous avez acheté par la poste. Et puis là, votre marteau vous donne du crédit parce que tout le monde vous admire avec votre marteau et puis vous plantez des clous et puis ça marche. Le marteau a de l'importance pour vous parce que le marteau, psychologiquement, vous donne une classe sociale. Si quelqu'un, à un moment donné, vous vole le marteau, vous allez partir après, vous allez le rattraper, vous allez taper dessus avec le marteau. Pas parce qu'il l'a volé, parce qu'il a volé votre marteau. Mais si le marteau devient un outil, alors le marteau, si quelqu'un le vole, vous allez partir après le gars, vous allez l'arrêter, reprendre le marteau. Mais ça va s'arrêter là. Votre marteau est un outil. Votre marteau n'est pas un besoin. La majorité des limitations de l'homme aujourd'hui, ce qui rend son évolution souffrante, ce qui rend son amélioration souffrante, ce qui rend sa vie de relation souffrante, ce qui rend presque tout ce qu'il fait souffrant, c'est qu'à un moment donné ou un autre dans sa vie, il transforme l'utile en chose importante. Automatiquement, il se crée des besoins. C'est utile de travailler. Mais lorsque quelqu'un a besoin de travailler, ne l'immobilisez pas, vous allez le tuer. Cassez-y pas une jambe. Il faut ramener un bureau dans sa chambre. Si c'est un besoin que de se droguer, il n'y a pas d'intelligence. La majorité de tout ce qui est utile chez l'homme ancien, devient important parce que, au lieu de comprendre l'intelligence de l'utilité, il s'attache à l'émotion que ce que cet outil lui apporte. Il s'attache à l'émotion. S'attachant à l'émotion, il sait qu'il souffrira si on le lui ôte. Automatiquement, il en a besoin. Il y a des choses chez l'homme, des choses intéressantes, qui feraient rire plus d'un extraterrestre. Mais étant donné que les extraterrestres sont plus involués que l'homme, évidemment, ça les fait plutôt brailler. Reconnaître chez soi les besoins fondamentaux qui permettent la survie de la condition humaine telle qu'elle est de prime abord, c'est reconnaître en partant les lois naturelles qui régissent l'expansion évolutive de l'homme. Tout ce qui est amené après fait partie des lois psychologiques, des lois spirituelles, des lois cosmiques, des lois ésotériques, des lois morales, des lois religieuses, des lois théologiques, des lois sociétales. Et toutes ces choses peuvent lentement engendrer un besoin. Ce besoin est automatiquement limitatif. Et vous devez apprendre à dépasser les limites qui vous sont imposées par des besoins qui, en fin de compte, viennent inconsciemment d'une façon hypocrite chez soi. Le besoin de bien paraître. C'est ridicule parce que quand on meurt, quand on pourrit dans sa tombe, on paraît pas mieux qu'un autre. J'ai un jeune frère, à un moment donné, qui me parlait de l'énergie extrêmement évoluée qui, à un moment donné, se ramassait dans la toilette. Tout, de toute façon, à un moment donné, part d'un point de vue d'énergie pour aller vers un autre point de vue d'énergie. Il y a de l'amélioration ou de l'évolution chez l'humain, puis ça comme vous voulez. Une chose est certaine, c'est que tous les besoins d'apparence, tous les besoins qui sont reliés à l'ego, tous les besoins qui sont reliés à l'orgueil pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ego, tous les besoins qui sont reliés à la préservation de l'image que l'on a de soi, sont des limitations. Vous ne pourrez jamais être autre chose que ce que vous êtes tant que vous voudrez rester ce que vous êtes. Alors l'humain veut évoluer, mais un petit peu par petit peu pour ne pas trop se rendre compte qu'il se transforme. J'ai déjà dit souvent que lorsqu'une personne se transformait, les pires freins étaient son entourage qui refusait à l'autre le pouvoir de s'améliorer. Mais on a aussi chez soi un problème, une limite imposée par tous nos besoins qui sont des besoins émotifs, qui sont des besoins de sécurisation. Et à travers ces besoins de sécurité, on a le besoin qui nous appelle à être rien, à être néant. C'est sécuritaire d'être rien. On ne peut pas être responsable, on ne peut pas être coupable, ça ne peut pas être de notre faute, on ne peut pas rien avoir manqué, on ne peut pas rien avoir engendré, on ne peut pas rien avoir fait. Tout est parfait si on n'est rien. Qui êtes-vous? Je suis moi-même. Pas grand monde qui peut répondre ça. Un jour, on m'interviewait à la radio et l'animateur me pose une question conne. Monsieur Kem, qui êtes-vous? Ça peut vouloir dire tellement de choses. Alors moi, je lui réponds, je suis moi. Et là, il tout fait. Ben, vous, mais ça me dit pas grand-chose. Alors, je lui réponds, posez des questions intelligentes, puis je vous répondrai. Qui est capable de se supporter? Le problème, c'est que la collectivité au niveau d'éducation a bien instruit l'humain que s'il se supportait, c'est qu'il se vantait. Il se prenait pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez le droit d'être vous-même, d'être au-delà des limites imposées par les besoins collectifs. Et si quelqu'un dit, ou si vous avez peur que quelqu'un pense que vous vous vantez, c'est que vous avez le besoin de paraître comme étant humble ou comme étant normal. C'est un besoin imposé par la société qui va vous faire mal et qui va vous limiter. Savez-vous comment l'humain se transforme? Il y a plusieurs phases dans l'évolution de l'homme. Qu'est-ce qui fait que l'humain peut s'améliorer? Ce n'est pas le hasard. Vous avez sans doute déjà remarqué que vous étiez capable intellectuellement, mentalement ou psychologiquement d'envisager devant vous les probabilités d'une amélioration évolutive chez vous. Je vais m'améliorer. Je vais faire ceci, cela, cela, ou encore c'est comme ça que je devrais faire ceci, cela, cela. À un moment donné, on a soudain l'impression dans notre vie qu'on voit clair un peu en avant, qu'on serait capable de s'enligner. Et on se rend compte, quelques semaines après, qu'on ne s'est pas enligné, en fin de compte. Souvent, et bien souvent, on a le feeling que là, on tient une solution, on tient quelque chose chez soi, pour nous. Pas clair, clair, mais on tient quelque chose. Et tout d'un coup, puis là non plus. Parce que l'humain a la faculté d'avancer mentalement plus vite que corporellement. Et qu'est-ce qui vous limite le plus dans votre cheminement? Et ce soir, ça serait un des points les plus importants à retenir pour essayer de le comprendre si on ne le comprend pas là. Mais une chose certaine, c'est que la meilleure façon de le comprendre, c'est de le mettre en pratique et de voir. Il y a un problème, il y a toujours ceux qui font tout ou qui font rien. Ceux-là ne peuvent pas évoluer. Ceux-là, ils vont dans ce trou-là ou dans ce trou-là. Tout ou rien, mais jamais entre les deux. Vous savez, quand vous prenez une échelle, si vous voulez vous servir d'une échelle, vous devez ne pas rester à la base de l'échelle. L'échelle est inutile. Puis si vous montez jusqu'au bout de l'échelle, bien, l'échelle est inutile aussi, vous allez redescendre en bas direct. Alors, il faut être quelque part dans les échelons. Au niveau d'évolution de l'homme, donc de la femme, donc de l'enfant, chaque fois qu'à un moment donné, vous avez le feeling de comprendre quelque chose, vous devez obligatoirement l'imposer dans la matière. L'imposer dans la matière, ça veut dire le matérialiser. Le matérialiser, ça veut dire de forcer votre ego, de vous forcer, vous, à accepter votre transformation. Ce que normalement l'humain ne veut pas faire, parce que l'humain ne peut pas le faire. Premièrement, l'humain est manipulé par sa pensée, par sa conscience collective, par l'astral planétaire, par le ciel. L'humain est manipulé par le monde de la pensée, par le monde de la mémoire, par le monde des désirs, le monde de l'émotion, donc le monde de la mort. Et parce que l'humain est manipulé continuellement, chaque fois qu'il entrevoit de l'intelligence quelque part, il la confronte avec ses mémoires, avec le passé, et dans le passé, ne voyant pas de bribes de cette intelligence nouvelle, alors il oublie l'intelligence. Il ne pourra se servir que de la trace de l'intelligence laissée dans sa mémoire par sa réflexion. Mais jamais elle ne pourra appliquer l'intelligence instantanée, pure, sans coloration. Ce qu'on appelait anciennement l'esprit pur ou l'esprit saint. Intelligence spontanée, l'énergie supramentale. Lorsque l'être humain perçoit quelque chose, il se doit de le matérialiser. Je donne un exemple. Vous percevez à un moment donné que vous alimentez mal. Vous commencez à concevoir l'intelligence de l'alimentation. Alors, vous allez vous instruire un peu, vous allez lire dans une revue, voir ce qu'on compte sur le végétarisme, par exemple. Vous allez peut-être poser des questions à 2-3 personnes, aller faire un tour au temple de Krishna. Vous allez peut-être acheter un livre ou deux de diététique ou de recettes végétariennes. Mais vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire que vous spiritualisez. Faisons attention au terme spiritualité. Le terme spiritualité au Québec prend de plus en plus l'envergure d'un synonyme de l'illusion. C'est de l'illusionnisme que vous faites. Pourquoi le terme spiritualité prend de plus en plus dans le langage, disons, avancé au niveau psychogonique, psychologique ou ésotérico-psychologique au Québec, prend comme synonyme, elle devient synonyme de l'illusionnisme? C'est pour la simple raison que on finit tellement par mélanger les choses. Lorsque l'on parle de spiritualité, on parle de personnes qui sont assises sur un banc, puis qui trippent, puis qui rêvent, puis qui attendent on ne sait quoi. C'est de la spiritualité. On parle de différentes sectes, jusqu'au satanisme, que c'est de la spiritualité. On parle de ceux qui vont se droguer, qui vont prendre de la marie pour arriver à des extases, c'est de la spiritualité. On parle souvent aussi des sciences occultes, qui sont occultes, qui viennent d'occultatis, qui veut simplement dire voiler les choses. Parce que les sciences occultes ne sont pas là pour révéler, elles sont là pour cacher. Et on parle encore une fois de spiritualité. On parle des esprits. Spiritualité vient du mot spirit, esprit. Moi, j'appelle ça de l'espiritualité lorsque je veux parler de ce que la spiritualité devait désigner à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, l'esprit, qu'est-ce qu'un esprit? Il y a un esprit qui vient dans ma chambre hier. Il n'y a pas un fichu esprit qui va venir dans ma chambre. Un fantôme, peut-être. Une forme, peut-être. Un ectoplasme, peut-être. Une entité, pas un esprit. L'esprit est au-delà de l'âme. Un âme, peut-être. Pas un esprit. Mais à un moment donné, on finit par avoir le spiritisme. Qu'on a essayé de différencier du spiritualisme. Mais les deux reviennent souvent colorés et ont des connotations similaires. Lorsque je parle de l'espiritualité, je parle donc du contact entre l'homme amique et l'homme esprit. J'en ai parlé souvent. L'esprit, le premier, le plus bas des plans de l'esprit, le plan supramental, celui qui présentement est en train de réveiller, disons, le cerveau de plusieurs des personnes du nord, de la partie nord planétaire de notre globe. Lorsque je parle donc du fait qu'à un moment donné, l'humain regarde les recettes, regarde ceci, regarde cela, va voir un peu, il fait de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il se donne l'illusion égoïque, l'illusion psychologique, l'illusion amique de vouloir s'améliorer ou de s'améliorer. Mais après un laps de temps, il n'y a pas grandes améliorations chez l'humain, pas réellement. Et souvent, les livres de recettes tombent un peu à l'oubli, etc. Comment devons-nous matérialiser un changement chez soi? Comment arriver à imposer un dépassement des limites imposées par le besoin? À un moment donné, vous allez comprendre que vous devez faire ceci. Faites-le ou oubliez-le. Mais ne méditez pas là-dessus. Ne vous motivez pas là-dessus. Ne vous positivisez pas là-dessus. Autrement dit, spiritualisez pas le phénomène. Faites-en pas une illusion, une farce de l'évolution qui va faire qu'en sorte qu'un jour, une personne, vous allez aller rencontrer quelqu'un et vous allez être tout content de pouvoir lui dire « Oh ouais, mais j'ai quand même un bon chemin de fait. Moi, là, j'ai étudié le zen pendant 2 ans, j'ai fait un peu de psychologie, j'ai été végétarien 3 ans, j'ai essayé de fumer 6 mois, j'ai... » Alors, vous n'avez rien fait! Vous avez intellectualisé, vous avez spiritualisé, vous avez trippé, vous avez été pris dans l'illusion de l'évolution, de l'apparence d'évolution. Parce que vous avez plein de connaissances en arrière, vous pensez à être autre chose. Non, l'image a été changée. Parce que chaque fois qu'on attaque l'image, vous sortez vos connaissances, alors donc l'image peut changer. Mais vous, vous n'avez pas changé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous regardez votre garde-robe et puis vous dites « Sacrebleu, piarc! » Ben, c'est le temps de commencer à acheter des choses. À jeter et à acheter. Maintenant, le problème, c'est que l'humain fait souvent tout ou rien. Alors, il prend tout, il jette tout, puis il s'en va, puis il achète tout, puis il s'endette. Pas comme ça qu'il faut marcher. Degré après degré. Mais une chose certaine, c'est que si l'humain ne saigne pas dans la matière ce qui se passe dans le coco, ça ne se passera jamais nulle part que dans le coco. Alors, il n'y aura jamais de changement. Vous avez un paquet de besoins. Tu veux dire quelque chose? Parfait, t'as pas besoin de parler? Moi, j'ai besoin de boire un peu. Donc, vous avez un paquet de besoins. La majorité de ces besoins, de temps en temps, vous finissez par être ce que moi j'appelle écœuré. Mais vous devez un jour arriver à être écœuré d'être écœuré. Lorsque l'humain est écœuré d'être écœuré, il ne peut plus s'illusionner du changement. Merci. Cela veut dire qu'il doit imposer ce changement dans la matière. Imposer le changement dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, certains pourront me dire, oui, mais il y a tel exemple qui prouve que, oui, effectivement, toute mécanicité a des exceptions. Mais à l'exception des exceptions, tout ce qui est instruit dans la matière va normalement réengendrer la même dose d'énergie là-dedans. Ou là-dedans, comme vous voulez. Cela veut dire que vous voulez, par exemple, vous alimenter un peu mieux. Alors, vous devez changer radicalement. Ah, l'humain va dire, oui, mais allons-y, mollo, petit morceau à petit morceau, histoire que dans 25 ans d'ici, je me sois changé un peu. Tu sais, virons pas fou. Non, non, t'es malade, là, virons pas fou. Les médecins ont accepté de pas virer fou, de guérir très lentement. Virons pas fou. Tu as une condition matérielle ou sociale ou financière très basse, la même philosophie va s'appliquer. Virons pas fou. Économisons une pièce de plus par année. On va avoir 50 pièces en 50 ans. Virons pas fou. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la matière, on peut prendre des statistiques parce que vous savez que la majorité de ceux qui normalement veulent suivre un cheminement évolutif ou amélioratif sont toujours en train de juger, de critiquer ceux qui vivent un cheminement matérialiste. Sauf que c'est le cheminement matérialiste qui permet à l'humain d'être ce qu'il est. Et c'est bel et bien le cheminement évolutif qui engendre les guerres, les peurs, les craintes et tout cela. Parce que si les communistes n'avaient pas une philosophie communiste telle qu'ils l'ont, une philosophie, pas le phénomène matériel, le phénomène philosophique, je dirais pas religieux pour pas le faire virer de bord tous ceux qui sont au Kremlin, mais philosophique. Il y aura pas de problème. Si on n'aurait pas si l'islam, si le terrorisme international et tout cela n'aurait pas de philosophie d'évolution spirituelle, il y aura pas de problème non plus. Il y aurait des problèmes eux autres dans la matière, mais il y aurait pas de problème à l'échelle planétaire. C'est effectivement les matérialistes, ce ne sont que les matérialistes qui permettent à l'humanité d'être ce qu'elle est et qui permettent à l'humanité d'évoluer. Évidemment, on est chanceux, il y a des matérialismes qui sont spiritualismes, qui sont mentalismes, qui sont évolutifs, amélioratifs. Il y a un paquet de personnes qui sont capables d'être ce que j'appelle aussi des artistes en affaires. Êtes-vous capable d'être des êtres évoluants en affaires? Normalement, on fait une scission entre les deux. Ou tu évolues, ou tu tripes dans la matière. Pas un, pas l'autre, hein? Alors, au Québec, on a un paquet de personnes qui ont de quoi dire, qui ont des solutions miracles, géniales, qui n'ont pas de maudite scène pour pouvoir l'annoncer nulle part, peuvent pas louer une salle d'hôtel, peuvent pas rien faire, ils vivent sur le bien-être ou à peine. C'est compliqué en maudit d'aller dire aux personnes, lâchez pas quand t'attends ton chèque de bien-être. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'au Québec, pendant trop longtemps d'ailleurs, on a eu un paquet d'artistes dans le domaine. Ce que j'entends par des artistes, regardons les artistes du Québec, ils font pas d'argent. Ils ont besoin d'un impresario, ils ont besoin d'un homme d'affaires qui n'est pas un artiste. Et là, ça peut marcher, mais il y a une partie de la finance de l'artiste qui s'en va d'un poche de l'autre. C'est correct dans l'actualité d'aujourd'hui. Sauf que vous, est-ce que vous vous devez de rester des artistes? Certains ont un travail, certains ont un job, ça marche. D'accord. La majorité n'ont pas nécessairement de liberté à travers tout ce qu'ils aimeraient avoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'humain doit imposer dans la matière ce fait. Est-ce que vous avez de l'argent? Non, ça n'a rien à voir. Chose qui est certaine, c'est que vous devez faire le pas pour comprendre que vous devez, quoi que ce soit, être capable de faire en sorte que la matière qui vous entoure puisse vous supporter, vous autres. Et que pour cela, que vous devez arriver à vous supporter. Regardez ceci. Si je vous demande à tous, est-ce que votre conviction psychologique, est-ce que votre conviction mentale ou votre savoir mental, est-ce que votre conviction intellectuelle, est-ce que vous, dans la partie de vous qui entrevoyez l'amélioration, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes et de ce que vous vivez aujourd'hui? Bon, je vous pose la question. Dans la majorité des cas, la réponse sera non. Est-ce que vous pouvez tout changer de suite? Non. Mais on peut commencer. Et pas commencer un peu. La deuxième question, cela voudrait dire que, disons que la deuxième question, on va la poser plus clairement maintenant. Est-ce que vous, tel que vous êtes dans l'actualité, normalement, que je mérite d'avoir les solutions si je les applique jamais? À un moment donné, peut-être, ce serait bien mieux que ce qui m'arrive comme solution soit donné à un autre qui lui les applique. Est-ce que moi, égoïquement, amiquement, donc amic, qui se rapporte à âme, amic, qui se rapporte à l'âme, moi, amiquement, est-ce que je suis capable de supporter l'intelligence qui m'habite? Si je ne peux pas la supporter, celle-ci ne se développera pas. Et qu'est-ce qui va m'empêcher de supporter l'intelligence qui m'habite, de supporter l'intelligence qui, de temps en temps, me rayonne à travers les yeux, me sort par les oreilles, de temps en temps, le regain d'énergie qui veut que je sois un humain qui se tient debout? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas me supporter ou supporter cette partie de moi? Ben, c'est effectivement les besoins imposés. Les besoins imposés sont tous des attributs collectifs. La normalité est le plus puissant, le plus drastique, le plus dramatique des besoins imposés. Vous vous devez d'être normal. Vous ne devez pas être normal, vous devez être naturel. Et être naturel n'est pas régi par une loi de masse, c'est régi par une loi bien simple, être ce que l'on est. Mais être ce que l'on est à travers être ce que l'on pense que l'on est, ça devient extrêmement compliqué. Alors je ne vous demande pas de méditer sur ce que vous êtes, parce que si vous pensez pour trouver ce que vous êtes, vous pouvez être sûr que vous ne trouverez jamais ce que vous êtes. Vous allez trouver qu'un paquet, une panoplie de pensées de ce que vous, peut-être, vous pouvez être. Donc, vous devez arriver à supporter. Pour supporter, pour savoir qu'est-ce que vous êtes, ben, c'est pas compliqué. C'est de l'instruire, de l'incruster dans la matière. Et là, vous allez dépasser les limites imposées. L'homme d'affaires sera pas long. L'homme d'affaires, bon, une personne se part en affaires. Elle a besoin d'un petit capital. Elle a besoin de ceci, elle veut se partir une compagnie qui va fabriquer des logiciels, des didacticiels par exemple, pour pouvoir soit instruire les enfants par le biais de l'ordinateur, soit nourrir les cerveaux de ces pauvres petits avec différents jeux qu'elle va appeler, disons, éducatifs. Dépendant de la philosophie du gestionnaire. Alors, il part son entreprise. Il a le choix, en partant, de mettre tout son argent sur son automobile, sa vestimentation, son bureau, tout ça, tout le tralala, et là, il peut faire faillite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un bon patron. Il n'est pas encore un patron. Il n'est pas encore un boss. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore de la classe du gars qui a l'auto, le vêtement et le bureau. Il n'est pas de la classe encore. S'il n'est pas encore de la classe et qu'il met ça dans la matière, et lui ne pourra pas supporter ça, évidemment, il risque de faire faillite fortement. Et si notre personne, elle commence modestement, et elle met ses énergies surtout dans la création de son entreprise, donc dans sa propre création. Parce qu'on ne peut pas gérer sa vie convenablement si on ne peut pas gérer son budget familial. On ne peut pas gérer son évolution ou son amélioration si on ne peut pas gérer ce dans quoi on veut fonctionner matériellement. Ce qui est facile à gérer doit être géré bien avant ce qui est compliqué. Lorsque la compagnie commence à marcher, ça commence à fonctionner, il va venir un temps où la personne, et c'est là la majorité des problèmes, c'est que la personne voit qu'elle s'améliore, qu'il y a de l'évolution, qu'il se passe de quoi. Et là, elle devient plus puissante que la matière qui l'entoure. C'est-à-dire que maintenant, elle est un boss. Mais là, c'est le temps qu'elle change de char, qu'elle s'habille différemment. Elle ne peut plus se présenter en jeans ou en pantalon, disons, de telle ou telle classe, plus maintenant. Avant, elle le pouvait. Pourquoi? Parce que son vêtement était énergétiquement égal à elle et ce qui l'entourait aussi. Mais il vient un temps où cette personne se doit de changer de classe, pas sociale, énergétique. Celui qui veut changer de classe sociale, qui s'habille, qui est bébelle, etc., etc., il comprend rien. Et lui, il risque de perdre. On appelle ça vivre au-dessus de ses moyens. Mais vivre au-dessous de ses moyens énergétiquement est aussi dramatique que vivre au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas signer. Crème, t'es-tu encore un gars qui bûche à appel pour bâtir une compagnie ou si maintenant t'es rendu un administrateur? Alors, la personne doit donc se changer physiquement, matériellement des choses pour pouvoir permettre à ce qui l'entoure de supporter ce qu'elle est. Lorsque l'on parle des présidents ou des premiers ministres, ils arrivent en limousine, ils arrivent en ceci, ils arrivent en cela. Il n'y a pas un seul ici qui ferait confiance à un premier ministre qui se présenterait en Volkswagen au Parlement. Il n'y en a pas. Il y aurait quelques personnages qui diraient « Enfin un qui? » Le gars sort en jeans de sa Volkswagen puis il rentre au Parlement avec ses rilinchos un peu troués. Mais il n'y a personne qui voterait pour lui. Il n'y a personne qui ferait confiance parce que l'énergie que le gars dégage est une énergie qui ne peut pas supporter le Canada ou qui ne peut pas supporter le Québec. Donc, la personne qui veut se présenter doit avoir un contexte extérieur qui permet, qui est en affinité avec ce qu'elle est, et là, on pourra voir ce qu'elle peut supporter énergétiquement en termes de conditions expérientielles, donc de gouvernement ou de compagnie, ou etc. Alors, on part de petit, on arrive gros, mais ça ne change rien, c'est que toutes les petites transformations de votre vie se doivent d'être appliquées dans la matière. Vous comprenez, par exemple, qu'une alimentation saine serait intelligente. Alors, c'est donc le temps, maintenant, de fouiller dans le garde-robe, dans le garde-manger plutôt, c'est plus pratique, et de se débarrasser de ce qui ne va pas avec l'intelligence que l'on perçoit. Peut-être qu'on va racheter dans 2 mois. C'est pas grave, jetez. Parce que si vous le gardez, vous conservez psychologiquement l'idée que vous allez échouer, puis quand vous allez échouer, bien, vous allez être content d'avoir gardé vos affaires. Donc, énergétiquement, vous ne supportez pas votre transformation. Alors, si vous le prenez puis vous le jetez, ou vous le donnez, bien évidemment, ça fait quelque chose à l'ego. L'ego se sent insécure. Oui, mais quand m'a manqué mon coup, je n'aurais pu. Jette-le. Débarrasse-toi-en. Petit à petit, tu te débarrasses de ceci, de cela, de cela, de cela, et tu remplaces par d'autres choses. Selon le budget, petit à petit. Mais c'est primordial de l'incruster dans la matière. Si tu achètes un extracteur à jus, achète-en un bon, achète-en pas un cheap. Bon, tu veux t'acheter ceci, tu veux t'acheter cela, tu veux fouiller ceci, fouiller cela, et la journée que tu vas faire une rechute, ben énergétiquement, tu vas être dans un cadre de quelqu'un qui s'intéresse par l'intelligence à son alimentation. Il va aller s'acheter une caramel au magasin, il va faire une rechute comme ça, puis ça risque de revenir. Il va être correct. Tandis que s'il y a tout encore dans sa maison, il y a encore ses bouteilles de coke, il y a encore ses panoplies de chips, il y a encore ceci, il y a encore cela, ben quand il va faire sa rechute, il va faire pour un maudit bout de temps. C'est que l'évolution de l'homme se fait plus fréquemment dans une rechute évolutive plutôt que dans une rechute involutive. Autrement dit, il reste stagnant tellement longtemps que quand il évolue, ça, c'est une rechute. Plutôt que s'il évoluerait tout le temps, de temps en temps, il tomberait, ce serait une rechute vers le bas. Non, l'humain fait des rechutes vers le haut de temps en temps. Il est beaucoup plus stagnant qu'évolutif. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas sa matière. Quand j'aurai tout changé, là, quand je serai moi-même, là, je changerai. Tu risques d'être longtemps à attendre le changement. La personne qui veut se trouver un emploi de telle classe doit se présenter avec une énergie de la classe de l'emploi, sinon elle ne peut pas avoir l'emploi. Quel que soit votre phénomène évolutif, souvent on parlait des prêtres. Les prêtres ont de l'argent, les prêtres ont des beaux habits, les prêtres, etc., etc. Comment voulez-vous qu'une personne puisse supporter l'énergie d'un contact avec une divinité quelconque s'il n'est pas capable de supporter dans la matière au moins une panoplie quelconque? Ce n'est pas juste du flic à schnock à black, c'est pas rien que ça. Le prêtre a besoin d'une vestimentation quelconque, sinon ça virerait fou beaucoup plus vite que nos psychiatres. Tandis que nos psychiatres, nos psychologues ont beaucoup plus de problèmes que les prêtres, mais les prêtres ont vu beaucoup plus de problèmes humains que nos psychologues et psychiatres, mais les prêtres ont beaucoup moins de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vestimentation, ils ont un décorum qui peut supporter le gars qui, lui, a donc, par ce décorum, la faculté de supporter ce qu'il doit vivre comme travail. Tandis que le psychologue qui veut un bureau chaud, accueillant, que la personne vient, puis la personne a vomi tout d'en face ses problèmes, bien, le gars, il s'en va chez lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien pour absorber ce qui va se passer. Ça, c'est extrêmement important. Et tout le phénomène évolutif énergétique est relié là-dedans. L'humain, souvent, ne voit pas. Mais j'ai connu à un moment donné des Juifs qui étaient relativement pauvres. Vous savez, des Juifs pauvres, ça existe ici aussi. Sauf que ces Juifs ont été empruntés chez des Juifs de l'argent. Ils voulaient se lancer en affaires. Alors, ils ont évidemment étudié comme il faut ce qu'ils voulaient faire, etc. Ils ont rencontré des parrains Juifs. Ceux-là ne sont pas fous. C'est pas parce que tu es Juif qu'on te prête. Alors, ils ont étudié aussi, ils ont suggéré des choses, ça a presque marché, alors ils ont prêté l'argent. Mais qu'est-ce que les Juifs pauvres ont fait avec l'argent en premier? Ils ont été s'acheter des souliers neufs, des pantalons neufs, un manteau neuf, puis un chapeau neuf. Pas une panoplie, mais un petit peu. Ils ont été au restaurant et ils se sont payés un repas pas de riches, mais pas de pauvres, et ils ont parlé d'affaires. Et un an après, ils pouvaient se payer à leurs propres frais les repas riches, les autos, les ceci, les cela, les cela. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces fichus-là? Ils n'ont pas fait comme la majorité des Québécois vivent au-dessus. Ils ont décidé simplement que leur projet avait une certaine classe et que si on voulait que ça se fasse, il fallait le signer dans la matière. Alors, en partant, il fallait changer notre linge. On ne peut pas s'acheter 15 paires de culottes, une s'il le faut, pour avoir un décorum. Et là, ils ont été au restaurant, un restaurant d'affaires. Ils n'ont pas payé trop cher, mais ils ont payé suffisamment. Et là, ils ont discuté d'affaires, et là, ils ont parti l'affaire. Et une fois par mois, ils se réunissaient dans un restaurant d'affaires en payant pour pouvoir discuter d'affaires, c'est-à-dire qu'ils ont amené l'énergie d'argent chez eux, et automatiquement, l'argent est venu. Et ça, c'est une condition sine qua non pour l'avancement amélioratif de n'importe quel humain. Lorsque l'on dit « frapper », l'on vous ouvrira. Vous savez qu'on peut ouvrir et dire « il n'y a personne », ben non, c'est complet. On peut ouvrir, mais pas vous laisser rentrer. Frappez ou faites les premiers pas, et le ciel fera le reste. Faites, il faut commencer par faire quelque chose. Alors, le pauvre gars qui est toujours dans son coin puis qui médite sur comment il pourrait faire, mais en fin de compte, qui ne signe jamais rien dans la matière, ne fera jamais rien. Il doit, à un moment donné, se risquer. Et il doit signer. La seule chose qu'il y a, la seule affaire importante, c'est de peser la juste mesure de la signature. Signature, pas en or tout de suite, mais commencer. Quelle que soit l'amélioration, quelles que soient les limitations imposées. Vous sentez coupable, il y a des choses, il y a ceci et cela, c'est un besoin imposé par la collectivité. Vous avez peur de manquer, vous voulez absolument avoir ceci, vous souffrez de cela, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de donner de l'amour. Ça vous limite, ça vous fait souffrir, et c'est imposé. Si vous n'avez pas besoin de donner d'amour, on va dire vous êtes sans cœur. Là, oui, c'est pour vous manipuler. Si on dit vous n'avez pas besoin d'amour, on va dire pour qui se prend. Tout le monde a besoin d'amour. Normal. Oui, encore une fois, pour vous récupérer. Vous ne sentez pas coupable. Vous devriez avoir honte. Non, je n'ai pas honte. Ah, ben, c'est vrai, avoir honte de ne pas avoir honte. Qu'est-ce que vous voulez faire quand il y a un gars qui n'a pas d'honte, qui n'a pas honte? T'as-tu honte de ce que tu as fait? Non. Automatiquement, on pense que le gars va la refaire tout le temps. Mais non, mais si vous comprenez l'intelligence de quelque chose, vous ne la referez plus, puis c'est pas nécessaire d'avoir honte. Conservez vos énergies pour comprendre plutôt que pour broyer. Ce sont les limites imposées par les besoins. Le besoin qui est facultatif, le besoin rajouté à l'homme. Je vais te laisser poser une question ou deux avant la fin. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se sentent limitées dans leurs besoins par les besoins que la société nous apporte, tels que, par exemple, l'éducation, tout le système d'éducation. Les gens disent « Ah, moi, j'ai pas mon université, je peux pas faire telle affaire. » Ou « Moi, j'ai pas ci. » Bon, t'arrêtes juste là. Moi, j'ai commencé à étudier au cégep. Au cégep, j'étais en psychologie infantile. En même temps, je travaillais à Sainte-Justine. Pas payé, évidemment, parce que pour faire un travail convenable, souvent, faut pas être payé aujourd'hui, parce que quand t'es payé, ben, à telle heure, faut que tu finisses, puis il faut pas que tu fasses plus que ça, puis il y a ceci, il y a cela, sinon tout le monde a l'impression que tu travailles sur le pied. Après 6 mois, j'ai découvert que la psychologie infantile qu'on enseignait, ben, eux autres, ils savaient pas du tout comment c'était bâti un enfant, hein. On essayait d'expliquer qu'un enfant réagissait de telle, telle façon parce que le chien de Pavlov bavait quand on sonnait la cloche. Bon. Alors, ce qui fait que j'ai laissé tomber. Et j'ai commencé, j'étais en sciences pures, en sciences de santé et en sciences humaines. Puis, en fin de compte, j'ai tout laissé tomber ça. Donc, ce qui fait que je n'ai jamais fini aucun étude au cégep. Je n'ai pas, évidemment, d'études universitaires. Ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai pas de diplôme plus qu'il faut. J'ai mon diplôme secondaire 5 qui est la clé dans la société ici. Puis après ça, c'est tout. Ça ne m'a pas empêché de travailler comme assistant chef de camp au camp de filles. C'est un camp relativement huppé et relativement bien organisé. De travailler dans un centre d'accueil pour personnes âgées, de travailler comme professeur pour la ville de Montréal-Nord, ville d'Anjou, Pointe-aux-Trembles. J'enseignais le judo à l'époque, n'empêche qu'à un très bon salaire. De travailler pour Urgence Santé à Montréal comme technicien ambulancier. Quand je suis rentré pour Urgence Santé, je leur ai compté tellement de menteries qu'ils m'ont engagé. Puis après ça, j'étais à la hauteur de mes menteries, ce qui fait que je n'étais pas démentri. Par la suite, ils ont imposé un diplôme. J'avais pas de diplôme, ce qui fait que je leur ai demandé « Est-ce que je peux passer les examens tout de suite? Si j'ai cool, je suivrai vos cours. » Ils n'ont pas voulu, ils ont dit « ça se fait pas ». Je leur ai dit « ben faites-les, ça va se faire ». Ils n'ont pas voulu, il a fallu que je fasse tous les cours, j'ai passé les examens évidemment, et j'ai donc travaillé sans diplôme, j'ai commencé sans diplôme. Tous les emplois que j'ai voulu avoir, je les ai toujours eus. Pourquoi la simple raison que je faisais comprendre à celui qui engageait que s'il m'engageait, ça irait mieux chez lui. Et j'ai jamais été mis à pied, c'est moi qui partais, puis quand je revenais, on m'engageait toujours. Bon, et ça, n'importe qui peut le faire. Le besoin, justement, du diplôme. Non, dernièrement, j'ai fait une conférence dans une école de décrocheurs. C'est des jeunes qui décrochent tout le temps, puis qui rembarquent, puis qui décrochent, puis qui rembarquent. Secondaire 2, secondaire 3, 18, 19, 20, 21 ans. Vous avez une idée? Bon. Moi, j'avais 13 ans ou 12 ans, secondaire 2. Alors, qu'est-ce que c'est le besoin? Diplôme secondaire 5, c'est la clé dans notre société pour l'instant. Ceux qui n'ont pas toujours le temps d'aller chercher. Mais par la suite, ben moi, je leur ai expliqué, c'est un fait. Présentement, j'engage mes amis qui sortent de l'université. Mais moi, j'ai sorti avant le cégep. Et j'engage mes copains qui sortent de l'université. J'en ai un qui est venu voir dernièrement, qui est maintenant ingénieur et qui va aussi finir son... qui va être médecin d'ici peu. Et il va sans doute avoir un travail à un moment donné avec moi. Si on prend Ford, Henry Ford, ben lui, c'est le même phénomène. Alors, lui, le bonhomme, il connaissait rien. Il connaissait absolument rien. C'était pas connaissant. C'était un génie. C'est pas pareil. Mais si tu lui demandais des questions sur le gouvernement américain, qu'il savait pas trop, quel était le président, ou là... Non, il disait, si vous voulez savoir les réponses, je vais faire venir de mes collaborateurs, qu'ils autres, ils savent tout. Une question sur la loi, oui. L'avocat, réponds-y donc, car il veut savoir. Question de théologie, oui. Réponds-y donc, lui veut savoir. Question sur telle chose, oui, réponds-y donc. Qu'est-ce que lui faisait? Lui orchestrait le génie de tout le monde, parce que tout le monde était bien connaissant, mais trop cave pour créer quelque chose. Alors, Henry Ford a créé l'automobile. Il a eu un problème parce qu'il n'avait pas inventé le reculon. Ils ont fabriqué plusieurs automobiles, puis après, ils se sont rendus compte qu'il fallait pousser pour reculer. Et là, bon, OK, c'est intéressant. Il a géré un empire qui, par la suite, évidemment, les successeurs ont été à l'école. Alors, évidemment, l'empire s'en va un peu en bas. Tandis qu'Henry Ford le parti de rien, c'était rien. Jusqu'à temps que c'était quelque chose. Alors, le besoin de diplôme, il n'est pas nécessaire. C'est évident que si vous voulez devenir ingénieur, c'est intéressant de suivre des cours au niveau de l'ingénierie, mais ce n'est pas un besoin d'avoir un papier d'une reconnaissance pour passer dans la société. L'homme, regardez bien vous autres. C'est évident que si un jour vous voulez engager quelqu'un parce que vous avez quelque chose, bien, vous allez demander s'il y a 2-3 diplômes. Savoir, ou bien non, c'est de l'expérience. Mais n'importe quand quelqu'un qui vous prouve qu'il est capable, même sans diplôme, vous n'êtes pas assez fou pour le mettre dehors. Il y en a très, très peu dans la société qui sont suffisamment, disons, ignorants pour mettre ces gens-là dehors, mais c'est très, très, très, très, très, très, très minime. Alors, ce qui fait que même pour vous, si vous, vous êtes capable de recevoir quelqu'un qui fait ses preuves, aucun problème. Alors, à un moment donné, diplôme ou non, faites vos preuves. Et puis, en faisant ses preuves, c'est quoi faire ses preuves? Les jeunes disent, oui, mais il faut de l'expérience pour être engagé. Puis, en étant engagé, c'est là qu'on ramasse l'expérience. Oui, mais il y a un paquet de moyens. Le jeune qui se présente là, les mains dans les poches, il ne donne pas bien l'impression au patron qu'il va faire quelque chose. Alors, le besoin de diplôme, le besoin d'être reconnu par la masse, ce n'est pas une nécessité. Moi, je pars les compagnies que j'ai besoin, que je veux avoir, je me crée des emplois. Et je connais plein de mes amis qui font la même chose. La majorité des personnes en affaires, c'est du monde qui n'a pas diplômé de grand-chose. Et qui, à un moment donné, j'ai un de mes amis qui est chiropraticien. Il a enseigné l'informatique à l'université. Il a un diplôme, il a un bac, il n'y a même pas, il y a un doctorat, je ne me rappelle plus trop en quoi. En ingénierie, où je ne suis plus trop sûr. Et puis, présentement, non, il est chiro. Alors, ses diplômes, c'était parce que fallait que collectivement, il fasse quelque chose. Fallait que... Puis, à un moment donné, il a découvert ce qui lui filait plus. Et puis, il a étudié en chiro. En chirologie. Puis maintenant, pas en chirologie, mais en chiropratie. Il ne m'aimerait pas. Et puis, maintenant, il est chiropraticien. Et c'est comme ça pour énormément de personnes. J'ai une autre personne ici qui, à un moment donné, enseignait la psychologie et même presque la psychiatrie des infirmières. Et il n'est pas diplômé. Mais il enseignait pour que ceux-là aient leur diplôme. Puis ça, c'est plein d'exemples comme ça. À ce moment-là, pour réduire, disons, ces besoins que la société nous fait croire qu'il faut absolument remplir pour être accepté dans la société, par quoi on commence? Bon, pour réduire les besoins qui ne sont pas de réels besoins, enfin, qui sont des besoins plutôt au niveau du plan astral, donc du plan émotif, du plan psychologique, la première chose, c'est de s'accepter soi. Alors, est-ce que vous êtes des humains rampants à quatre pattes, toujours en train de supplier soit le bien-être ou soit Dieu? Ou si vous êtes des humains qui êtes capables de temps en temps d'avoir l'énergie nécessaire pour vous lever debout puis de vouloir dire « je veux éclater, je veux percer, je veux monter. » Si on veut monter, si on veut éclater, je ne parle pas juste au niveau du monde des affaires, je parle carrément au niveau de vous-même. La première chose à faire pour dépasser les limites imposées du besoin, donc des besoins collectifs, c'est d'être capable de se supporter soi. Êtes-vous capable, lorsque l'on vous demande votre nom, de ne pas répondre par votre nom de famille puis votre prénom après? Je vais donner un exemple. Votre nom, c'est quoi? Kem Daniel. C'est con. Kem, sa lignée génétique. C'est le collectivisme familial. Votre vrai nom, ce n'est pas Kem, c'est Daniel. Mon nom est Daniel Kem. Ah, l'autre, il écrit Kem Daniel. Laissez-le faire, c'est pénal, parce que la société, elle inverse les choses. Elle collectivise l'homme. Alors, je ne veux pas savoir ton prénom, moi, je veux savoir ta lignée. À l'époque, on avait Daniel Kem, fils de... Ça tombait un peu. Mais on a quand même c'est cette idée. Faut arriver à s'accepter. Toi, tu es... Tout ce qu'à un moment donné, vous vibrez, ben, vous devez l'exprimer. Pas le dire aux autres, mais quand ça s'adonne que quelqu'un vous pose une question ou que ça se doit d'être répondu, on le répond. Mais souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est exactement comme la personne qui rentre à l'église et le prêtre demande à tout le monde, « Croyez-vous en Dieu? » Tout le monde dit oui. La personne sort dehors, puis là, il y a quelqu'un qui l'accroche, « Croyez-vous en Dieu? » Elle répond, « Non, non, non, j'ai pas le temps, là. » Mais c'est ça, le problème, c'est que vous supportez pas. Dans l'église, tout le monde dit oui, parce que collectivement, tout le monde est supporté, mais tout seul, individuellement, la majorité ne le sont plus. Et la preuve que la majorité ne le sont plus, même individuellement, c'est que si vous devez le dire à tout le monde que vous croyez en Dieu, c'est que vous ne le supportez pas. Alors, vous devez convertir pour vous convaincre. Hey, moi, je change, j'ai acheté l'affaire. Tu sais, là, tu viens de changer quelque chose, tu le dis à tout le monde. Ça, c'est une chose très importante. Fermez vos grandes boîtes. Ça, c'est primordial. C'est une question énergétique. L'énergie que vous avez qui vous transforme, gaspillez-la pas en parole pour communiquer à tout le monde. Parce que là, vous allez partager énergétiquement. Alors, si vous parlez à 100 personnes, vous allez avoir 100 fois moins d'énergie. Vous vous transformerez pas. Les gros parleurs et les petits faiseurs, ils peuvent pas faire grand-chose. Ils font juste parler. Il faut qu'ils se ferment. Vous avez une idée géniale, fermez-vous. Mettez-la en pratique, mettez-la, faites-la, mettez-la, signez-la dans la matière, puis à un moment donné, quand ça marchera, ça va se parler tout seul. Quand le soleil se lève, on n'a pas besoin de l'annoncer. Mais si on veut en parler avant, des fortes chances qu'il y ait un problème. Alors la personne, elle veut se transformer, quelque chose qui se passe chez elle, elle doit se supporter, elle, et ici on lui demande, par exemple, un exemple extrêmement primordial. Vous rentrez dans un ascenseur, il y a une pancarte d'interdit de fumer. Il y a un fumeur qui rentre, ben dites-lui. Ça va créer des chicanes. Lui s'en fout. Foutez-vous-en. Dites-lui. Pas parce que vous êtes plus important, mais vous pouvez lui signifier que c'est interdit de fumer dans l'ascenseur. S'il veut fumer pareil, laissez-le fumer. Dites-le. Incrustez dans la matière ce que vous concevez comme intelligent. Ça essaie d'être une majorité silencieuse. Ça veut pas dire que toi, une fois que, etc., de faire la leçon à tout le monde, ça n'a rien à voir. Quelqu'un jette un papier, travers ses parures pour aller lui dire. La question n'est pas là. Sauf que vous devez incruster dans la matière certaines choses. Vous venez pour stationner, il n'y a pas stationnement en ville, d'un coup, vous voyez un petit trou. Vous venez, vous rentrez là, puis c'est écrit « Réservé aux handicapés ». Soyez pas handicapés de la tête. Stationnez ailleurs. Ça veut simplement dire mettre de l'intelligence dans la société. Ça veut dire incruster ce genre de choses. Mais tout ce qu'on place comme intelligent à l'extérieur de nous, nous sert toujours un jour. C'est simplement le signer dans la matière. Puis dites pas, oui, mais tout seul, moi, ça ne changera pas grand-chose. Non, le millionnaire était tout seul, puis il est millionnaire. Ça n'a rien changé dans la société. Sauf que lui, ses vacances, il passe où c'est que vous autres, vous aimeriez passer. Ça n'a rien changé dans la société. Mais lui, il a le pouvoir de changer de quoi? Si à un moment donné, il y aurait l'intelligence, ben non, ça y tenterait. Ou s'il verrait que ça peut se faire. Tandis que tous ceux qui sont en bas, ben ils ont plein de bonnes idées. Mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour. Il faut se supporter soi. C'est très, très, mais très important. Dans les besoins évolutifs, involutifs, comment fait-on le discernement? Bon, qu'est-ce qu'un besoin évolutif? Qu'est-ce qu'un besoin involutif? Alors, on va déjà briser la forme du mot besoin. Il n'y a pas de besoin évolutif, par contre, il n'y a que des besoins involutifs. Il y a des outils. Et l'outil, lorsque l'on s'en sert quand c'est le temps, est toujours amélioratif, donc évolutif. Il sert l'homme. Lorsqu'on a fini de planter nos clous avec le marteau, puis qu'il reste maintenant des vis à visser, puis qu'on veut quand même les visser avec le marteau, l'outil devient involutif, c'est-à-dire que là, mais mon marteau, t'as un besoin de ton marteau, c'est automatiquement involutif. Tu vas scraper tes vis, tu vas scraper ton bois, ça tiendra pas autant, tu vas défaire les filets dans le bois, ça peut pas fonctionner. Ton marteau, c'est un outil. Accroche-le, prends le tournevis. Oui, mais j'aime mieux la religion marteau. Prends le tournevis, c'est mieux pour l'instant. OK? Non, mais tu sais, c'est un fait. Oui, mais c'est à cause que la philosophie, ma théorie disait que place ton marteau là. Il sera toujours utile, mais pour l'instant, t'as besoin d'un tournevis. Tu pries, tu vas à l'église, tu médites, puis d'un coup, ben là, ton fils vient te voir, puis il veut rentrer à l'université, puis ça prend tant d'argent, puis t'allais justement faire un don à l'église avec ton argent. tu fais quoi? Ah, je vais le donner à Dieu, Dieu va nous la remettre au centuple. Peut-être, mais ton fils, c'est le gouvernement qui va y remettre au centuple s'il m'en donnait sur le bien-être. Bon, il y a tellement, une prothèse dentaire pour ta fille. Elle a des dents qui sont légèrement prééminentes, ce qui fait qu'une prothèse dentaire, un appareil dentaire, pour lui replacer, mais ça coûte les yeux de la tête. Mais tu as le choix entre tes pneus d'hiver, ta télévision, ta secte ou son appareil dentaire. Ben, tu fais quoi? Ben, c'est le temps, là, peut-être, d'accrocher certaines choses pour pouvoir incruster dans la matière quelque chose. Aider tous les humains en donnant au Bangladesh ou donner un appareil dentaire à sa fille, ben, donne un appareil dentaire à ta fille. Oui, mais au Bangladesh, ils n'ont pas, eux autres. Non, mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas de miroir non plus, ils voient la face. Bon. Ils n'en souffrent pas. Non, mais c'est un fait. Mais on fonctionne toujours d'une façon originale. Bon. Parce que, encore une fois, on voyait des annonces où ce que, de toute façon, si on voit pas quelqu'un qui est tout martyrisé du Bangladesh, on donne pas. Hein? Si on se sent pogné là, on donne. Sinon, on donne pas. Alors, tant qu'à donner parce qu'on est manipulé, autant pas le donner. C'est le temps d'accrocher le marteau, de prendre le tournevis, de visser. Puis à un moment donné, on va se dire, tiens, plus besoin du tournevis. Mon bon vieux marteau, voilà, qu'est-ce qu'il y a de l'air? S'il est tout rouillé puis tout pourri, c'est que le marteau n'était pas ben bon. Mais c'est encore étincelant. Il va encore servir quand on en aura besoin. Puis à un moment donné, on va encore le déposer. C'est l'homme. Sachez une chose, c'est que l'homme n'a pas été fait pour servir. C'est un besoin de servir, un besoin imposé par l'archétype cosmique qui venait planter l'homme sur le plan planétaire pour obliger l'humain à rester figé dans la matière, ce que j'appelle, moi, terrestrifié, pas dire terrorisé. L'humain est resté planté dans la matière et l'humain a toujours été un larve, un ver, un médiocre, un être qui doit servir. Pendant des millions d'années, la femme était la serveuse de l'homme, du mâle, et le mâle, le serveur de Dieu. Jusqu'au jour où l'intelligence de l'homme a créé la vestale. C'est quoi la vestale? C'est la servante de Dieu. Alors l'homme avait la femme pour se servir et la femme pour servir Dieu, ce qui permettait à l'homme de pouvoir triper plus dans la matière. Bon, ce fut une région, disons, relativement brillante de l'évolution du patriarcat au niveau de l'humanité. Bon, maintenant la femme s'émancipant et se libérant, elle est sortie elle aussi des temples, elle a dit « Christy, mettez des chandelles puis laissez-les brûler tout seul. Hein? Payez un bedon pour les changer. Ou bedon, laissez tomber. » Bon. Alors, la femme, elle est devenue de plus en plus quelque chose d'évolutif aussi, ce qui fait que de plus cela va, moins la femme veut servir le foyer, moins l'homme veut servir le foyer, tout le monde veut se faire servir, personne veut donner maintenant, sauf qu'une chose qui est absolument certaine, c'est que tout ce qui a été inventé pour pouvoir assujettir l'humain est une farce, c'est-à-dire que ça fait partie du mensonge cosmique, donc de l'illusion fondamentale, pour obliger l'humain à ne pas trop regretter l'endroit d'où il venait, mais à bien, disons, s'agrémenter de l'endroit où il était. Sauf que plus l'évolution de l'humanité se fait, plus l'être humain devient intelligent. C'est normal, ce n'est pas du ressort de l'homme. L'évolution ne regarde pas l'homme. C'est pas l'homme qui règle l'évolution. Ça fait longtemps qu'il a évolué. Enfin, il a évolué tout croche, mais il a évolué. Tout ce qui arrive, c'est que plus cela va, plus l'humain prend conscience de certaines choses. Et l'humain ne doit pas servir, l'humain doit se servir. Alors on va évidemment me dire que je blasphème ou que etc. Je ne blasphème pas, les foutes de Dieu m'auraient tombé sur la tête depuis longtemps. Ça ne vous sent pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain ne vient pas au monde pour servir la loi. L'être humain ne vient pas au monde pour servir le besoin. L'être humain ne vient pas au monde pour servir toutes les conditions expérientielles, philosophiques, morales, théologiques, sociales, légales, etc., qui sont placées là. Tout ça a été placé par l'homme. Que ce soit relié à un contact coloré d'un plan divin intelligent ou quoi que ce soit, ça n'empêche pas que ça l'était placé par un homme qui ne pouvait pas le placer purement parce qu'il n'était pas pur lui-même. Donc, automatiquement, cela a été transcrit que d'une façon colorée. Et l'humain ne vient pas au monde pour servir à ces choses. Il doit se servir des outils. Alors, quelle que soit la religion, quelle que soit la morale, la philosophie, l'intellect, le concept, la théorie, la spéculation, une chose est certaine, c'est cela, toutes ces choses sont des attraits, des carottes. Ça ne doit jamais devenir un besoin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu peux, quand tu peux, tu le fais, quand tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Mais tu n'essayes pas, c'est une connerie. Alors, l'être humain, il est là, et lorsqu'un besoin vient se placer devant lui, il n'est pas là pour le servir. Donc, il ne doit pas être asservi par le besoin. C'est extrêmement important de bien comprendre cette chose. La majorité des humains veulent bien paraître devant les autres, bien paraître devant Dieu, pour aller au ciel. Mais c'est quoi, c'est pas de l'hypocrisie égoïste? Tu fais bien ici pour avoir un cadeau, mais non. Dieu ne pas là-dedans. Faudrait que tu sois pur, mais comme tu n'es pas pur, tu n'iras pas. Fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. De toute façon, on va faire une pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions, vous les écrivez sur papier. S'il y a des besoins particuliers qui vous intéressent, écrivez-les, puis on va s'énergiser. Merci, Daniel. Je vous rappelle qu'à l'achat du billet de la semaine prochaine, la conférence de Daniel qui s'intitule « Le phénomène de l'ennui », vous recevrez cette première partie gratuitement. Merci. Mario Gosselin est aussi disponible pour répondre à vos questions concernant le dernier séminaire PMC1 qui a lieu cette fin de semaine-ci, samedi et dimanche.